directement du mois d'avril 2006. Bienvenue à C'était fou. Bonjour et bienvenue à l'émission C'était fou, mon nom est Mathieu Plante. C'était fou a pour mission de se frayer un chemin à travers la grandiose discothèque de C'est fou depuis ses débuts, le 7 septembre 1997. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie. Cette fois-ci, c'est la semaine du 14 au 20 avril 2006. On entendra des extraits des top 3 francophones et anglophones avec des artistes et des groupes tels que Mononcle Serge, Antoine Graton, Mimi Van Der Glo, Lenz Allage, R. Mercury et Yeah Yeah Yeahs. On va aussi avoir droit à un extrait d'une émission d'archives qui était en onde pendant l'année choisie. On parle en ce cas-ci de l'émission Funk, Funky Torch, avec David Leblanc. Alors, une belle ère de nostalgie pour les auditeurs de longue date. Et évidemment, des découvertes pour les nouveaux auditeurs. On commence, comme toujours, la première moitié d'émission avec le top 3. On va entendre du côté anglophone Lenz Allage avec Hang On. Mais on débute avec Antoine Graton en troisième francophone. Voici Le Monde à C'était fou au 89.1 FM. Vêtements du lendemain, les amours, les amitiés, tous les moments de simplicité sont des choses que je commence à oublier. Le monde n'est plus comme avant. Tout le monde fait quelque chose, quelque part, de temps en temps. Tu t'ennuierais peine, moi, t'as plus le temps, énormément. On s'oublie, mais on se comprend. Les souvenirs qui se raccourcissent. Les journées ensoleillées me donnent le goût de changer de face. Le soleil voyage à chaque jour, puis moi je reste toujours à même place. Le monde est plus comme avant. Tout le monde fait quelque chose, quelque part, de temps en temps. Tu t'ennuierais pas de moi. S'en aller, laisser derrière un papa tout fier. Je suis sûr que c'est d'elle que je m'ennuierai le plus de toute la terre. Le monde est plus comme avant. Tout le monde fait quelque chose, quelque part, de temps en temps. Tu t'ennuierais pas de moi. T'as plus le temps, énormément. On s'oublie, mais on se comprend. Numéro 3. Lay down, won't you? Stay a while, won't you? Break down your day for me. Yeah, find out. Lines on Edge et Hang On, position numéro 3 anglophone. C'était précédé d'Antoine Graton avec Le Monde, troisième position francophone. Lines on Edge, court succès pour ce groupe canadien que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. On l'avait découvert dans le poste d'écoute à l'époque et j'adorais ça. C'est leur maxi The Hope Museum. J'aime encore ça, mais j'avoue qu'on devrait faire jouer ça plus souvent. Avant, c'était Antoine Graton, deuxième album, premier extrait de ce deuxième album, ou en tout cas un des premiers. Voilà. On est rendu aux deuxième position du côté anglo dans cette édition de C'était fou pour la semaine du 14 au 20 avril 2006, soit dit en passant. Le numéro 2 anglophone, c'est Gold Lion des Yeah Yeah Yeahs, mais on va débuter avec Mononcle Serge, très prolifique Mononcle Serge. Sur son album Serge Blard d'Amérique, voici Je chante pour les morons au 89.1 FM. C'était fou! Wow! Uh-huh. There was crowd of seas inside, out. Les deuxièmes positions des palmarès de la semaine du 14 au 20 avril 2006 dans C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou. On vient d'entendre Yaez avec Gold Lion du côté anglophone, c'est sur l'album Show Your Bones. Et avant ça, c'était Mon Oncle Serge avec Je chante pour les morons sur Serge Blanc d'Amérique. On est déjà rendu aux positions numéro 1 du côté anglophone, c'est Our Mercury avec Shauna Don't Wanna. On va débuter avec la formation locale, l'excellente formation locale, je dirais même. J'oserais-je, hein? Ouais, bien dit. Voici Mimi Van Der Glo et Vert de terre. C'est fou dans vos oreilles. On sortit comme des vers de terre qui sortent par les temps de pluie. Il faut se trouver quelqu'un pour la nuit. La tête en cul est claire de 24 heures de brosse qu'on s'en souvient même plus. La pièce Charlotte Don't Wanna de la formation R. Mercury sur l'album From Below, c'était la position numéro 1 anglophone pour la semaine du 14 au 20 avril 2006. Avant, c'était du côté francophone Mimi Van Der Glo avec Vert de Terre. C'est excellent, c'est sur leur album Radar. En fait, ça, c'était un simple qu'ils ont plus tard refait pour l'album Radar et on a entendu la version de l'album. Voilà. Ce sont nos positions numéro 1. On a donc complété notre top 3 pour la semaine du 14 au 20 avril 2006. On va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième partie d'émission. Et dans cette deuxième partie, il va y avoir un extrait d'une émission d'archives. Comme on aime le faire, on le fait pas assez à l'émission C'était fou, mais on le fait quand même une fois de temps en temps. Donc, Funky Torch tout à l'heure. Alors, restez avec nous. Dans vos oreilles. 89. De retour à C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou. Cette fois-ci, on a choisi la semaine du 14 au 20 avril 2006. On est rendu à notre bloc extrait d'émission. C'est donc le moment d'écouter, vous l'aurez compris, un extrait d'une émission qui était en ondes pendant le mois choisi. Dans ce cas-ci, c'est Funky Torch, animé par David Leblanc et Jesse Millette, diffusion originale 27 avril 2006. Ça mérite quelques explications. Par contre, d'habitude, je vous lance l'extrait de même tout dans votre face. Là. Une petite explication, ça avait lieu juste après. En fait, c'est, pour commencer, c'était la dernière émission de Funky Torch avec David Leblanc. Sa dernière. C'était après une émission spéciale que j'avais animée moi. Pendant genre 5-6 heures, je sais pas trop, pendant la journée, c'est comme la dernière émission de la session. Là. Toute l'équipe était avec moi, donc c'est pour ça qu'il y a des références à ça. Et j'étais encore en studio à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ce qui se passe va se passer dans votre radio. Extrait de Funky Torch, diffusion originale, 27 avril 2006. Un excellent funk pour cette dernière édition de Funky Torch. Aujourd'hui, après le spécial C'est fou, c'est passé de 13h à 18h. On est accompagné de David Leblanc pour sa dernière émission Sexy Funk. C'est pas très, très, très sexy aujourd'hui, mais quand je regarde le Go Micro 2, ça, c'est sexy. Son micro pour voir. C'est normal, t'as pas le droit de parole. Je suis un fasciste. Le gars, non seulement le gars m'empêche de terminer mon émission comme du monde, mais en plus, il m'empêche de parler pendant la sienne. T'es fait. Continue comme ça, il va refermer. Mais maintenant, ici, on a le. Qu'est-ce que t'en allais dire, Jesse? Tu continues comme ça, puis il va fermer ton micro. Encore! Et voilà. Alors, j'invite tous les gens à rester en onde parce que c'est gratuit. Et je regarde Jesse au micro 5. Pour vous situer, fermez-vous les yeux à la maison, essayez de situer le studio. Moi, je suis au 1! Au bien l'écran. Sûr, 1 n'est pas l'intelligence. On est ici, en Funky Torch. Bonsoir. On va continuer avec Dirt Diggler, une toune de films porno des années 70. Monsieur Plante, c'est pour toi. Messieurs, vos micros sont ouverts. Félicitons David pour cette émission de funk qu'on a eue cette année, si jamais il revient pas. Merci David, et j'espère que ta contribution va se représenter encore assez fou, parce qu'on t'aime. Ben moi aussi, moi je vous trouve fin, vous êtes beau, vous êtes intelligent, mais je vais vous laisser là-dessus. Mais l'année prochaine, il va quand même avoir du funk dans mon émission. Et là, j'essaie de calibrer l'émission sans écouteur. Ouais, c'est beau. Grave. T'es bon, merci. David. T'es fin. On continue avec d'autres Degler. Mathieu, de... voix officielle de C'est fou. Non. Et tout le reste. Alors, les gars, on y va avec d'autres Degler. Bonsoir. Ouais. On les t'aime. Oreilles. Palmarès. Vous êtes assez fou. C'était n'importe quoi, j'adore. Funky Torch, extrait d'une émission du 27 avril 2006 avec David Leblanc et Jesse Millette. Vous avez remarqué à la fin la subtilité du palmarès que Jesse a dit. C'était en référence au palmarès, c'est fou. Palmarès. Bref, cette émission-là, c'était vraiment absolument n'importe quoi du début à la fin. Là, ça se tenait pas du tout. C'était incompréhensible, rempli de malaise et de choses pas rapport, je dirais. Mais j'adorerais cette émission-là, sérieusement. Palmarès. Retournons à l'émission C'était fou, on rembobine C'est fou pour la semaine du 14 au 20 avril 2006. On a parcouru le top 3 tout à l'heure. Maintenant, on va retourner dans le reste parce qu'à l'époque, les palmarès, c'était un top 15 francophone et un top 15 anglophone. Maintenant, ce sont des top 20. Donc, on a augmenté ça. On va aller entendre un beau petit bloc composé des 9e positions du côté anglophone. Tout à l'heure, il va y avoir People in Planes avec If You Talk Too Much, entre parenthèses, My Hell Will Explode. Mais on débute avec Malajub, qui était sur le palmarès en 9e francophone avec leur album Trompe-l'œil et la pièce La Monogamie, tout de suite à C'était fou au 89.1 FM. Encore une fois, j'en ai trop dit. J'ai perdu ta confiance. Let's go.

je suis une fille, une folle, un garçon. Je suis sur le fil. Tant pis, j'aurais pu être comme Blondie. Tant pis, être comme Debbie. Tant pis, si moi je suis. La formation de St. Catharines et Ring of Fire de leur album Dancing for Decadence, c'est la 15e position pour la semaine du 14 au 20 avril 2006. On s'en a entendu Ice Dragon du côté francophone en 5e avec Comme je suis sur leur album Va chercher la police. Voilà pour cette émission de C'était fou. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la prochaine fois avec une autre semaine choisie au hasard. D'ici là, vous pouvez retrouver les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusion sur assemblagerequis.com. Je remercie le directeur de la programmation et directeur musical Alain Lefebvre pour son aide à la recherche, bien sûr. Je m'appelle Mathieu Plante et je vous rappelle, c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était fou que ça l'est plus. On se quitte avec Malade Mantra qui était du côté francophone en position numéro 11. Voici l'extrait 4 millions de tounes. J'ai choisi parce que, clairement, beaucoup trop de pièces à jouer dans cette émission et pas assez de temps. À la prochaine fois. Bye! Le soumets pas à la tentation. Quatre millions de tonnes, c'est le même sujet. Quatre millions de tonnes, on n'arrête pas le projet. Quatre millions de tonnes, quatre millions d'histoires d'amour. Quatre millions de tonnes, qui tournent et qui tournent comme tout autant de vautours autour de moi. S'adresse à une autre tranche d'âge. 4 millions de tonnes pour tout avenir. 4 millions de tonnes qui n'ont plus grand chose à dire. 4 millions de tonnes où tout va bien. 4 millions de tonnes, le vieux décor vient d'être peint. 4 millions de tonnes qui nous parle d'amour. Ça fait 10 958,9 tonnes d'amour par jour. Faut que je m'y mette, faut que je m'y mette, faut que je m'y mette. Faudrait que je m'y mette. Faut que je m'y mette, faut que je m'y mette. Il faudrait que je m'y mette. J'écris ma toune en solitaire. 4 millions de tonnes. Qui me condamne à ne plus jamais me taire. 4 millions de tonnes. C'est long à retenir. 4 millions de tonnes. Ça laisse peu de place pour toute autre forme de souvenir. 4 millions de tonnes. Une pièce à tonne, qu'est-ce que tu veux faire? 4 millions de tonnes. Le show business et moi sommes maintenant en affaire. 4 millions de tonnes. Pour hypnotiser la planète. 4 millions de tonnes. Qui se diffuse de plus en plus sur l'internet. Faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette. Faudrait que je m'y mette. Faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette. Faudrait que je m'y mette. Sous terre, 4 millions de tonnes qui m'accompagnent jusqu'en enfer.